Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Avantages et inconvénients. Bon, elle coûte aussi cher. Pourquoi? Comme la batterie de la quantité, elle doit être stérile. Stérile et apyrogène. Donc, elle a les mêmes poids. Tout ce qui est parentéral, ils ont un point commun, c'est la cherté. Il y a également un autre paramètre. Non? Le volume est limité, c'est un inconvénient. C'est un inconvénient, c'est pas un avantage. Très bien, il y a un risque infectieux. Et le risque infectieux est ligné. Toujours par rapport, il y a la voie IV, où il y a la risque de septicémie, il y a la voie IM, vous pouvez l'avoir. Mais le risque infectieux subsiste. Pardon ? Très bien, il y a, on peut donc, le malade peut s'auto-injecter. Donc il n'y a pas de problème. Il y a un peu de l'autonomie d'administration. Ça, c'est un avantage que les autres n'ont pas. Vous avez parlé de l'amour réversible. Est-ce que l'introduction est réversible ou irréversible ? Irréversible. C'est le même cas de figure. Vous injectez, sauf que la particularité de la voie sous-cutanée, c'est que l'aiguille est petite par rapport à l'intramusculaire, parce que la sous-cutanée ne doit pas être profonde. Rappelez-vous ce que j'avais dit également à votre... Ce que votre camarade a dit quand on a expliqué, elle avait dit pincée. D'accord ? C'était la voie plutôt sous-cutanée. Pourquoi ? C'est pour relever, tout simplement, et éviter d'arriver au niveau... Parce que le réseau capillaire n'est pas profond par rapport à la voie. Donc, en pinçant, en relevant donc, la peau ou le derme épiderme, hein, on se détache un peu du réseau vasculaire pour pouvoir injecter un peu en dehors et non dans le réseau vasculaire. D'accord ? Elle est facile aussi. Et la biodisponibilité ? Elle est également relative. Elle est plus faible ou plus importante que la voie IM ? Plus faible. Plus faible. Pourquoi ? Pardon. Je ne comprends pas. La présence d'un autre molécule qui va augmenter sa résorption. La biodisponibilité est déjà. Elle est basse. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a la présence d'autres molécules. La résorption est faible. La résorption est faible. La richesse du réseau. Très bien, mais non, ça c'est juste les forces. Ça dépend de ce qu'on injecte. Non, ça dépend. Ça dépend de médicaments. Très bien, merci beaucoup. C'est du médicament lui-même. La vitesse de résorption va dépendre uniquement du caractère physico-chimique du médicament. Est-ce qu'il est liposoluble ou là il est hydrosoluble? Plus la molécule est hydrosoluble, liposoluble, là la diffusion. Ceci ne va dépendre que du médicament et non donc des autres paramètres. Vous avez parlé d'un terme, on va le voir tout de suite. Et il y a, j'ai cité que dans un médicament, il y a le principe actif, il y a les excipients. D'accord ? Mais vous allez voir, on va parler adjuvant. Entre un excipient et un adjuvant. Un adjuvant, votre camarade dit, un adjuvant rentre. Hein? L'excipient. Adjuvant, excipient. On a dans l'adjuvant. Okay. Voilà où l'excipient. Quelle est la différence entre un excipient et un adjuvant ? C'est pas un principe actif. L'excipient et l'adjuvant. Est-ce qu'on a le droit de mettre dans une question, l'adjuvant est actif ? Vous cochez ? Non. Vous coucher, oui ou non. Oui. Si vous allez être autant de temps dans l'examen, on a que 10 heures. Oui ou non? Non. Non. C'est clair, tu veux juste essayer de faire de la philosophie, alors non, il ne faut pas. Adonna, le principe actif, tout paramètre qui peut participer à une réponse d'un médicament. C'est-à-dire la réponse thérapeutique, l'effet primaire. Ah, si vous avez retenu ça, c'est pas la peine d'aller faire de la philosophie ailleurs. Un adjuvant lexicon est primaire. Donc, il est censé ne pas être doté d'une activité. L'adjuvant a une activité. Tout simplement, il a une activité particulière qui participe à favoriser l'effet du médicament. Généralement, on le voit très souvent, et je vais vous donner des exemples, il y a des vaccins. Dans les vaccins, il y a des vaccins avec adjuvant et sans adjuvant. Quelle est la différence? On utilise la part sous-cutanée en vaccinothérapie, en prophylaxie thérapeutique, d'accord? Quelle est la différence d'utiliser un vaccin avec adjuvant et sans adjuvant? Vous vous rappelez maintenant du fameux problème des vaccins? L'effet secondaire. Voilà, qui pas bien. Et maintenant, on avait dit qu'à un certain moment, il faudrait éviter de donner le vaccin de la Kipavir chez une femme enceinte avec un adjuvant. On peut le donner sans adjuvant, mais on n'a pas le droit de le donner avec un adjuvant. C'est ce qui a donné parfois des réactions. Alors, en fin de compte, à quoi sert l'adjuvant? Diminue l'effet secondaire. Augmente ou diminue? Diminue les effets secondaires, non? Augmente. Augmenter quoi? L'effet secondaire. Pardon? Augmente l'effet thérapeutique, comment? Augmente la vitesse de la reconnaissance de corps humain. Il peut augmenter la réponse. Et de quelle façon? Soit la biodisponibilité, donc tout ce qui est absorption, diffusion, il intervient dans le mécanisme de distribution de circulation. Mais il n'intervient pas dans le niveau des récepteurs. Il n'intervient pas dans la réponse immunitaire. Au niveau de quel que soit les IgE, les IgM ou les lymphocytes, non. Il n'a pas cette particularité, mais il peut participer, vous allez voir, donc pour soit augmenter, soit diminuer, il n'en met pas les effets secondaires. On est bien d'accord? Vous notez que les avantages et les inconvénients. Les avantages et les inconvénients sont identiques à ceux de la voie intramusculaire. Donc on ne va rien rajouter de particulier. Les avantages et inconvénients sont identiques à ceux de la voie IM. Par contre, on peut modifier la biodisponibilité. En augmentant la vitesse de résorption. Je dis bien résorption et pas absorption. En augmentant la vitesse de résorption par l'addition d'adjuvants. Je vais vous donner quelques exemples. Premier exemple, je vais tirer, c'est la hyaluronidase. Hyaluronidase, c'est H-Y-A. La hyaluronidase. Qui est une enzyme. C'est une enzyme capable d'hydrolyser les mucopolysaccharides. du conjonctif. Et de ce fait, on peut faire passer un soluté de 250 millilitres. Et de ce fait, on peut faire passer un soluté, c'est-à-dire une solution, de 250 millilitres en moins de 10 minutes. On peut faire passer un soluté de 250 ml. En moins de 10 minutes. La voie sous-cutanée. La voie sous-cutanée, on injecte combien? Si on avait dit que la voie IM, on injectait entre 2 et 5 millilitres. C'est ça? La voie sous-cutanée, je pense, maximum. C'est la moitié. 50 millilitres, la moitié de la voie. Très bien, vous ne pouvez pas aller au-delà de la CC. Si vous augmentez, vous injectez, plus vous avez de la CC, le liquide va ressortir. Faites attention, quand vous faites même, c'est le gros problème de la sinothérapie. Quand le sujet, ça on demande, quand on injecte, on relâche la peau, on laisse un peu l'aiguille, tu la retirer. Si vous la retirez tout en pinçant, le liquide va ressortir et vous avez des pertes. Alors, c'est souvent, on injecte pour l'insulinothérapie moins d'un millilitre. Alors, si vous injectez 2,5, c'est la moitié qui ressort. D'accord ? En fin de compte, quel est l'intérêt ? On a transformé. On a, en additionnant un adjuvant. En additionnant un adjuvant qu'on appelle la hyaluronidase. Elle va faire quoi? Elle va tout simplement, vous prenez des familles, parce que cette famille, Sayyad, d'accord? Ken Sayyad Yahyukbira, qui va l'appeler, d'accord? Et c'est pour cela, tout ce qu'on peut vous donner, vous êtes toujours satisfait. Quand vous prenez entre les deux, vous prenez un kilo de semoule et vous voulez la faire passer dans un tamis où les mailles sont faibles et vous prenez un kilo de semoule dans un tamis où les mailles sont grandes, le passage, le temps de passage est plus court pour le tamis à grande émail. Alors la même chose, on a un tamis ici qu'on donne normal ou des mailles faibles, en rajoutant la hyaluronidase, ce qui était comme ça va devenir s'élargir automatiquement, la vitesse de passage va être, ou de résorption va être plus rapide. On est bien d'accord? Et c'est ce qui permet de donner jusqu'à 250 millilitres, chose qu'on ne peut pas faire avec la voie IM. C'est-à-dire qu'en additionnant un adjuvant, on se rapprocherait, d'accord, de la voie. Et quelle voie? La voie de référence, qui est la voie. Deuxième exemple, deuxième adjuvant, la métacholine. À présent, la hyaluronidase, la métacholine, comme l'acétylcholine. La métacholine, c'est toujours un adjuvant, mais c'est un puissant vasodilatateur. Et si vous avez une vasodilatation, la vitesse de résorption augmente. Et à ce moment-là, le délai de réponse se fait en moins de 2 minutes. Donc la métacholine est un puissant vasodilatateur où le délai de réponse sera en moins. Donc on se rapprochait de quoi également? C'est-à-dire que la biodisponibilité se rapprocherait de presque de 100%, puisque au lieu d'avoir un délai qui va faire ça, le délai va faire ça. Donc on peut utiliser, si on additionne la métacholine, on peut utiliser j'ai un principe actif seul, j'ai mon principe actif dans la métacholine. Si je vous allais un jour Ou là, c'est dans une question, je dis qu'il y a addition d'un métacolline. C'est dans quel but? But, vous, en tant que futur thérapeute, quel est l'objectif? Très bien, c'est l'urgence. Si on a additionné un incident pour avoir, avec un principe actif, une réponse la plus rapide possible, c'est que vous avez recherché l'urgence. Autre adjuvant, c'est l'adrénaline, que vous connaissez. L'adrénaline est, comme on sait, c'est un vasoconstricteur. Donc si on a une vasoconstriction, diminution de la vie, augmenter la vitesse de résorption. Non. On a dit, faites attention dans ce cas, la vitesse de résorption est diminuée. Quel est l'intérêt? Prolonger. Très bien, pour prolonger l'effet. Donc qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, j'avais dit avec la métacolline, si je trace les cours, j'ai ça, hop, et j'ai une réponse. Avec l'adrénaline, qu'est-ce qui se passe? J'ai un plateau. J'ai un plateau qui va prolonger l'effet. Et vous le voyez, souvent, l'adrénaline est additionnée avec quel type de molécule? En chirurgie, Kaina. Très bien, l'anesthésie et en dentisterie. Vous avez deux types. Vous partez chez le dentiste. Vous avez deux effets. Il y a des anesthésions à base de l'adrénaline et sans l'adrénaline. Si vous partez chez le dentiste, c'est qu'il vous fasse l'anesthésie. Souvent, quand ce n'est pas à base d'adrénaline, l'effet disparaît rapidement. Parce que la diffusion se fait et la molécule se dégrade. Et à peine qu'il faut que le côté va dégrader, chiche, d'accord? Vous sentez la fraise qui tourne, la douleur. Alors quand c'est avec l'adrénaline, souvent l'effet tellement est prolongé que vous avez l'impression d'avoir une verve longue. Très bien. C'est toujours à l'air à part. Et les gens, c'est une sensation. Pourquoi? Parce que l'effet anesthésiant dure. D'accord? La nerf et toute la mâchoire, la partie nerf, est ramollie de par l'effet prolongé. On fait la même chose, les urgences, quand on veut suturer. Il faudrait faire attention, parce qu'il y a eu des cas où des malades sont partis pour se faire soigner une dent, ils sont sortis des pieds devant. Vous savez ça, c'est une expression, sortir des pieds devant? Non. Mais, quand vous sortez toujours la tête. Si on se fait sortir, vous êtes mort, c'est toujours aussi. Tu vas. Pourquoi? Pourquoi? Non, pas une sorte de dose. Touchez-vous, madame. Non, ça n'a rien à voir avec le nerf, oui. Pardon. Très bien. Il dit ça, il arrive. La cagnotte, il a un problème cardiaque et l'adrénaline est compliqué. Vous savez que le dentiste n'a pas posé le problème au malade. S'il a le fait de donner l'adrénaline, ça va entraîner une vasoconstriction. Le néphrite, c'est également une vasoconstriction périphérique. Avec une tachycardie. Donc il peut faire un bloc cardiaque. Et ça c'est proscrit. Quand on donne de l'adrénaline, il faut faire attention, même si vous devez suturer un malade, les urgences, posez la question, est-ce que le malade ne présente pas des particularités de pathologie cardio-vasculaire. Ça peut éviter de mourir. L'intérêt d'ajouter de l'adrénaline comme adjuvant, parce que l'adrénaline, vous allez voir, on va en parler, est un médicament, principalement. Mais dans ce cas, il est utilisé comme adjuvant, parce qu'il permet de faire ce qu'on appelle, ce que je vous ai dit, la forme NP, à libération. Donc en fait, je vais provoquer une vasoconstriction, comme si vous avez mis le médicament dans un réservoir, et vous avez ouvert le robinet et votre goutte à goutte. La distribution se fait très lentement et de ce fait, ça crée dur le lendemain. Mais l'adrénaline est utilisée également comme une molécule pour les urgences. Vous êtes même en réanimation et en chirurgie cardiaque. Dernière forme ou dernière forme. Notez que il existe des comprimés. Il existe des comprimés hypodermiques. Des comprimés hypodermiques. C'est là qu'on utilise la partie cutanée. Des comprimés hypodermiques. Et vous mettez en parenthèse, en guillemets, on appelle ça, c'est un terme anglo-saxon, on ne va pas le changer, c'est les PLEPS. P-E-2-L-E-T-S. Ce sont ce qu'on appelle des comprimés hypodermiques. Généralement, ces comprimés hypodermiques, on a essayé de le faire dans le traitement hormonal chez le diabétique. C'est-à-dire qu'au lieu de donner 3 à 4 injections chez le diabétique, on fait tout simplement une incision au niveau sous-cutané. C'est des petits comprimés extraplats qu'on implante en suture et ça permet aux malades d'être libérés des injections pendant entre 6 mois jusqu'à 9 mois. Pour certains 3 mois. Et avec la suite, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. Parce que si vous voulez très instable, c'est dégrade très facilement. Il y a plus de pertes sur le plan de financement. Alors qu'on peut les utiliser avec d'autres pathologies hormonales, dans certains cas de la maladie de Chine, où on, au lieu d'injecter par contre du cortisol, il y a des dérivés, des oxycorticostérone, avant toute insuffisance surrénalienne, on met, ça ne s'existe pas chez nous, on implante à ce moment-là, le malade est libéré entre 3 à 6 mois, il ne prend pas les injections, avant toute la vie. C'est un comprimé comme si je veux dire, vous avez pris un comprimé et vous avez mis le comprimé sous la langue. Le même principe. Il y a une dissolution qui se fait et la résorption va se faire avec le temps. Et de ce fait, il n'y a pas d'injection. Sauf, il y a un sauf, il n'y a pas tout, il n'est pas parfait. Si quand on fait un implant, la résorption ne va pas se faire immédiatement. Pourquoi ? Parce qu'il faut attendre qu'au niveau du comprimé, il soit entouré du tissu ou de lésions vasculaires. Donc il y a un délai, l'effet n'apparaît pas immédiatement. Mais quand il apparaît, il dure. D'accord ? Voilà à peu près l'avantage. Donc vous notez que cette voie, donc, on utilise donc des comprimés hypodermiques, qu'on appelle donc les pellets, qui permettent la libération, qui libère le malade de l'astreinte d'administration. Il libère le malade de l'astreinte, c'est-à-dire cette obligation. Et si vous libérez le malade de l'astreinte, vous en avez des inconvénients. Il n'y a pas de risque infectieux, il n'y a pas de tout. Donc, il libère le malade de l'astreinte d'administration quotidienne. L'astreinte, A-S-T-R-E-I-N-T-E. Il libère donc le malade de l'astreinte d'injection. Et favorise un effet prolongé. Tout dépend de la molécule, tout dépend de la dose, entre 3, hein, en, pardon, en 6 et 9. Ça peut aller pour certains même. Vous mettez entre parenthèses, exemple, la désoxycorticostérone. Camarade pose la question, est-ce que l'insuline Lantus a ce principe ? Non. La Lantus, elle est injectée par voie sous-cutanée. Ce n'est pas des pellets. Non, c'est une forme à libération prolongée, mais elle ne dure pas. La Lantus, chez le malade, il injecte chaque jour, le soir, sa dose. C'est une prise quotidienne. Il n'y a pas de libération. Monsieur. les cas de la contraception, il y a cette méthode-là. Oui, elle n'est pas très exploitée. Votre camarade me donne l'exemple également avec d'autres pathologies hormonales telles que les contraceptifs. Certains contraceptifs. Non. Il ne fallait pas rentrer pas. Il y a des gens qui vont ramener des chaises. Peut-être que tu dois occuper la première chaise, c'est un peu trop. Moi aussi. D'accord. Il y a également un mode où certains hormones sont utilisées dans cette forme et faire attention. C'est bon? Une autre voie, maintenant je vais les placer juste après pour que vous fassiez la différence. Ce n'est pas la voie sous-cutanée, mais c'est la voie percutanée. C'est la voie per, P-E-R, cutanée. À travers la peau. Quelle est la différence entre cette voie et la voie sous-cutanée? J'aurais dû dire que c'est les mêmes voies. Mais il y a une particularité. C'est une voie avec effraction. D'accord? C'est une voie avec effraction à visée également systémique. Mais qu'est-ce qu'on entend par voie percutanée? Voilà comment on peut réaliser cette voie, la voie PER. À travers. PER, c'est à travers. Action systémique. Elle est plus profonde, non? C'est pas moi, c'est moi. Plus profonde, pas plus superficielle. Elle est systémique. C'est-à-dire que le médicament va être pris par le sang. La distribution est générale. Il y a une différence entre sous-cutané, percutané et la voie cutanée. La voie cutanée est... Elle est locale. Elle est sans effraction. Mais là, c'est une voie PR à travers. Pardon? Elle est systémique. Comment vous allez faire? Si j'injecte, ça devient sous-cutané. J'injecte pas, qu'est-ce que je fais? Pardon? Comment je fais? Il n'y a pas d'aiguille. On utilise des jets. Comment vous allez les faire entrer? Hein? Sans frottement. Très bien. C'est par friction. C'est par massage forcé. Et la voie percutanée va dépendre non seulement de l'excipient, de la forme, de l'excipient, du principe actif, d'accord? Et du mode de l'utilisation. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette biodisponibilité? Hein? Elle est relative. Non? Elle n'est pas absolue. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Elle est absolue ou relative? Relative. Relative. Elle n'est pas relative. Elle n'est pas? Si, il n'y a pas. Elle dit ça qu'on ne peut pas calculer la vie. Et on dit qu'il y a une biodisponibilité qui est irrégulière. On va voir le pourquoi. Mais je voulais je vais m'adresser à ces femmes qui ont beaucoup plus de crème et de pommage. Quelle est la différence, hein? De ce que vous voulez à on parle de notre fréquence d'utilisation. Il y a une VA qui est une voiture. Donc elle est bien à la planche. Quelle est la différence? Oui. absorbe mieux la nivea blanche que la nivea bleue. La nivea, ça va dépendre également de la peau. Pourquoi la blanche, elle est... À ce moment-là, sur le plan de pénétration, celle qui pénètre plus profondément, la bleue ou la blanche ? Elle est hydratante. On va le voir, camarade, on vous l'avait dit. Donc elle agit sur des couches superficielles. Elle n'est pas profonde. Elle hydrate. Elle est superficielle. L'autre, elle est onctueuse. Elle est plus pénétrante. Voilà la différence. Vous allez mourir noir, donc vous allez dormir moins bête. Moi, je vais voir votre béton. D'accord ? C'est ça. La même chose, il y a des médicaments qu'on utilise. On utilise pour avoir également une action, j'ai dit, c'est une voie avec l'hydratation. Mais l'hydratation, attends, c'est pas la peau, c'est vous-même. Vous allez la faire sentir comment ? En faisant un massage, très mal. Un massage. D'accord ? Et là, je vais revenir à ce que je disais. Vous prenez vos mains, vous les frottez. Trop longtemps, qu'est-ce qui se passe ? Ça ? Ça choque. C'est quoi ? C'est une réaction ? Oui, si vous continuez, si vous frottez trop, l'irritation, c'est une inflammation. Il n'y a pas, quand il y a chaleur, il y a inflammation. Il ne peut pas y avoir, quand ça chauffe trop, il y a une réaction, et plus vous frottez, plus vous allez irriter, ça ne deviendra plus. Maintenant, c'est pour cela que certains hommes bricoleurs, bricolent très très peu de choses. Il y a un peu de vis. Nous, on va enlever. Oui, parce qu'il n'y a pas de donc ça ne va pas ça. Ça fait une inflammation. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Imaginez un malade. On revient. Imaginez un malade. Vous lui donnez une. Au mal. D'accord ? C'est plus un gel parce que maintenant, vous allez également, comme vous prenez, sous les anti-inflammatoires, un coup de gel gel. C'est un gel. D'accord ? C'est pas une crème. Et c'est pas une pommade. Donc la constitution diffère selon l'action. C'est pas comme vous prenez ce gel et que vous allez frotter au fond. Donc la biodisponibilité est irrégulière. Elle va dépendre de quoi ? Ça dépend de la force. Très bien. Peut-être c'est la force d'application. Est-ce que c'est quelqu'un qui va. C'est comme on vous demande, comme vous demandez. Allez-y, la poumon. Qu'est-ce qu'il va faire ? D'accord ? En 2 temps, 3 minutes. Il a aucun ennemi à mettre du poumon un jour. Selon vous. Et là, la même chose. Tout dépend de la pression. Et ça va dépendre également de quoi ? Très bien, de la durée de friction. Et ça va dépendre également de quoi ? Très bien, médicaments, votre truc, c'est pas pour premièrement par du médicament. Et plus exactement, quand vous dites le produit, le principe actif, est-ce qu'on parle que du principe actif ? Non, parce que j'ai retenu le produit. Je suis d'accord, c'est-à-dire le médicament. Il faudrait que le principe actif et l'excipient soient. Merci beaucoup, liposoluble. À la différence, quand vous voulez avoir une action locale, eh bien, vous n'avez pas que l'excipient soit liposoluble. Quand l'action est superficielle, si vous voulez avoir une action profonde, il faut l'un et l'autre soient liposolubles. Mais à ce moment-là, si ça va dépendre de la force et du temps, la biodisponibilité, est-ce que vous pouvez la calculer d'un malade à l'autre ? Non. sont frontaliers et réguliers. Et donc cette voie, c'est une voie d'entretien. On a parlé de voie d'urgence, c'est la voie IV. On a parlé de la voie IM et la voie sous-cutanée comme voie d'entretien. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser plusieurs fois. Contrairement à la voie. Et dans ce cas, c'est une voie. Est-ce qu'on peut la considérer comme voie d'entretien ? Non. C'est une voie de. La voie percutanée est une voie palliative. Vous devez palliative, pallier. C'est-à-dire qu'on utilise pendant un temps très court pendant les périodes. C'est pas une voie qu'on peut utiliser pendant 3 mois ou 4 mois ou 4. C'est une voie de 2-3 jours. C'est ce qu'on appelle une voie palliative. Elle palliative pendant un temps très court. Pourquoi ? Parce que la disponibilité est irrégulière. Donc, déjà, les savoir, contrairement à la parole, il a un conseiller, 3 fois par jour, il va avoir une biodisponibilité qui est évaluée entre 70 et 85%. Allez, c'est évident. Par voie percutanée, ça dépend d'un malheur à l'autre, de par la constitution de sa voix, de sa peau, pardon. Elle dépend également de l'intensité de pression, de la durée radiologique des 2 minutes, comme je vous l'indiquais, le deuxième jour, le troisième jour, et généralement, c'est une voie qui existe, qui n'existe pas beaucoup, c'est en Angleterre ou aux États-Unis, dans les pathologies cardiaques. Surtout au niveau du cœur, principalement, c'est des cardiotoniques, des stimulants qu'on utilise pendant une période si le malade a des problèmes, problèmes digestifs ou autres. Pourquoi la pathologie cardiaque ? Parce qu'avec le cardiaque, il n'y a pas une monothérapie, il y a une polythérapie, et pour cela, on préfère. Pendant une période, changer de voie pour faire reposer la voie d'entretien. On est bien d'accord ? Vous notez que c'est une voie à résorption irrégulière. C'est une voie à résorption irrégulière. Influencée. Pourquoi elle est irrégulière ? Elle est influencée par l'intensité et la durée des frictions, influencée par l'intensité. L'intensité, c'est la force. L'intensité et la durée des frictions. Par la physiologie de la peau du malade. Par la physiologie de la peau du malade, et par les propriétés physico-chimiques du médicament. C'est-à-dire que je parle principatique et excitant. Elle dépend, elle, cette biodisponibilité est irrégulière. Pourquoi ? Elle dépend de l'intensité et de la durée d'effriction, de la physiologie de la peau, est-ce que c'est une peau qui est sèche, déshydratée, grasse du sujet, c'est un obèse, d'accord ? Mais elle dépend également des propriétés, troisièmement, physico-chimiques du médicament. C'est une voie palliative, c'est une voie qui est palliative, car il y a un risque d'irritation, souvent. Les eczémas. C'est une voie qui est palliative car elle est irritante. Toujours on les voit avec effraction. Toutes les voies qu'on a citées pour le moment, on est bien d'accord, voies avec effraction à action systémique. On passe à une voie, c'est une voie avec effraction, mais à action locale. C'est la voie péridurale, intrathécale, intra-rachidienne, comme vous voulez. Donc, c'est la voie IR, intra-rachidienne, qu'on appelle la voie péridurale, qu'on appelle également la voie intrathécale. voie intra-rachidienne, c'est la même chose, intra-rachidienne, péridurale ou intra-fécale. C'est une voie qui est très utilisée par les anesthésiologistes pour des petites interventions. J'ai mis, avant de noter, c'est une voie qui est utilisée en gynécologie obstétrique. Malheureusement, chez nous, nos gynécologues, pas pour les critiquer, sont tout le temps pressés hein, pour faire un accouchement par voie basse. Normal. Si vous allez dans le service de gynécologie, si vous avez de la famille, un couple sur deux qui accouche par césarienne. Je ne sais pas si la malade est pressée, si la sage-femme est pressée, si le gynécologue est pressé. On l'utilise en pathologie infectieuse, comme quel cas. Pourquoi je vais utiliser un médicament avec la méningite. Voilà. En infectieux. Pourquoi en infectieux, un infectiologue irait injecter un médicament par voie intra-rachidienne. Une infection à gérer. À gérer. J'ai dit infectieux pas celui de gérer. C'est pour vous dire que c'est pas une histoire de physiologie. C'est plutôt c'est un problème de pathologie. L'infection ne passe pas à l'extérieur. Pardon ? L'infection. Parce que l'infection ne passe pas par l'extérieur. Non, c'est parce que l'infection est dans. Et pourquoi je n'ai pas donné la voie intramusculaire à ce moment-là? Restez logique, pas d'abord ma peau. Bravo. J'ai une infection, d'accord? Et qui a l'organisation du groupe LCR. Et pourquoi ne pas utiliser la voie IM? À l'heure, je vais utiliser la voie intramusculaire. mobile et vous l'injectez au niveau du PET scan. Une erreur d'injection. C'est pas une erreur. Très bien, merci beaucoup. On change la perte. On modifie la pression intracrâniale. En augmentant la pression, vous avez même une pression au niveau des cellules cérébrales. Il y a une excitabilité et l'hyperexcitabilité va entraîner des convulsions. Merci beaucoup. Et c'est pour cela, généralement, quand je fais, par exemple, même dans le diagnostic, d'énergie, je fais ce qu'on appelle une PL. En pédiatrie, fonction lombaire. Quand je retire, j'ai la moindre risque. Mais quand j'injecte, je vais ramener un volume. Et là, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Souvent, il faudrait très bien enlever le volume. Injecter, si vous pouvez injecter 1 ml, pour enlever 1 ml, pour injecter votre médicament. Sinon, vous avez une chance, vous n'avez même pas une chance, je dirais 80%. De provoquer des convulsions chez votre malade. Alors, de la façon, c'est retirer et d'injecter, sauf quand vous faites une PL, une fonction, vous n'avez pas modifié, vous avez une petite quantité. On le fait souvent, très souvent en pédiatrie, dans la suspicion de l'urinaire. D'accord ? Vous notez donc que la voix hier, c'est une voix qui est exploitée. Une voix qui est exploitée en gynécologie obstétrique, en pathologie infectieuse, et dans le domaine diagnostique, pour radiodiagnostique, vous pouvez mettre aussi bien dans le diagnostic et PL parce qu'on dit qu'il est très souvent. Qu'est-ce qu'on peut dire maintenant sur le plan, un élément qui n'existe pas sur la planche, puisqu'on fait rentrer, donc c'est une voix avec des fractions. La biodisponibilité, comment ? Très faible. Je pense qu'on est passé à une nouvelle terminologie, une magnétique très faible. Elle est absolue ou relative ? Elle est absolue. Et maintenant, on a une objectif thérapeutique. Est-ce qu'il est systémique ? Localisé. Donc, vous pouvez avoir une biodisponibilité à la dans une question. Parce que généralement, quand on dit une thérapie localisée, donc elle devient. Voilà. Par quoi, c'est pas lié, les deux éléments ne sont pas, liés entre eux. D'accord ? Tout dépend de l'objectif thérapeutique que vous recherchez. Dans ce cas, la biodisponibilité est absolue, vous avez pris le médicament et vous l'avez mis dans le milieu. Ça, biodisponibilité du médicament dans le milieu biologique. Là, c'est dans le insert. Vous avez injecté 10 millions, vous avez des 10 millions de la terre, elle est à. Sauf que l'objectif thérapeutique, il est à visée locale et non systémique. On est bien d'accord ? Vous notez que l'avantage, c'est une action directe et le risque majeur sont des convulsions. Pour ne pas oublier ce qu'on dit pour les convulsions, vous mettez en parenthèse. Modification de la pression. Vous prenez une aiguille. Vous la mettez, c'est avec effraction. Jusqu'à présent, on est toujours dans les doigts avec effraction. Je vais citer, parce qu'on ne voit pas toutes ces toujours, les autres voies. C'est des autres voies avec effraction, mais vous allez voir que ce sont des voies avec effraction à biodisponibilité absolue, mais à action locale. C'est la voie intrapleurale quand on a des pleurésies ou là quand on a des résistances ou une antibiothérapie. On prend l'antibiotique et on injecte au niveau à travers la tête. On utilise la voie péritonéale ou intra-péritonéale, on fait la dialyse péritonéale. On peut faire la dialyse rénale ou l'hémodialyse, donc on fait la dialyse péritonéale. On a l'envoi intra-articulaire, donc c'est pour une personne qui souffre d'inflammation, de rhumatisme. D'accord ? Donc c'est en injectant le liquide synovial. Donc c'est une voie avec effraction à biodisponibilité absolue et le traitement est à objectif localisé. Et on a la voie rétro-tubaire. D'accord ? Souvent on le fait quand on a des traumatismes en neurochirurgie. Il y a des fois des rhumes, des caillots de sang, des saignements. On peut faire des ondes retirées. Donc les autres voies, intrapleurale, intrapéritonéale, intra-articulaire ou synoviale, et la voie rétro-vulvaire. C'est des voies avec effraction, à biodisponibilité absolue pour prendre le médicament, sauf que à objectif avisé local. D'accord ? Pas systémique. Hein ? Votre camarade parle de la voie intravernique. C'est la voie sous-cutanée. C'est comme on dit dans la voie péridurale, intratétrale. Il y a d'autres noms. Pour faire la différence, vous avez dit, quand j'ai donné dans le cours, entre la sous-cutanée et la péricutanée. D'accord ? La sous-cutanée, c'est ce que vous avez cité pour moi. On sort maintenant des voies avec effraction et on passe aux voies sans effraction. Dans la principale, on citera rapidement, on va s'arrêter, c'est la voie orale. Donc c'est une voie, avant de prendre note s'il vous plaît, il n'y a rien d'autre, c'est une voie qui est facile, parce qu'on avait dit que c'est une voie qui était sans effraction, on avait dit autre chose. L'introduction est passive. Donc il n'y a pas cette introduction qui est active, elle est passive. Donc elle est bien acceptée, elle est passive. Pour certains, il y a beaucoup de malades qui ont eu peur des injections. Il y a des malades qui aiment les injections. Il n'y a pas de truc, si vous ne prescrivez pas des injections, c'est parce que vous n'avez pas pris au sérieux leur maladie. La chose qu'il y a de l'ordonnance des injections, elle est malade. Tout à fait, c'est ça. Problème, l'avantage, il n'y a pas de risque infectieux, parce que c'est le compris qui part par terre, vous prenez le risque infectieux par zéro. J'ai dit, c'est une voie. La voie est réversible. La voie, faites attention, si vous voulez, et j'insiste aujourd'hui. Initialement, j'ai dit que la voie IV avait une introduction réversée. L'introduction. La voie IM avait un mode d'introduction irréversé. L'introduction. Maintenant, je parle de voie. La voie orale est réversée. La voie IV est irréversible. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donnez-moi votre avis. Même si c'est faux, on s'en fout. L'essentiel, quelle est la différence ? J'ai dit que la voie IV, l'introduction est réversible. Mais la voie est irréversible. Par contre, c'est quoi ? Bon, simplement, quand il y a une erreur de prescription, si vous prenez toutes les voies parentées, qu'elle soit cutanée, IM sous-cutanée, si vous injectez. Ah, c'est pas ça que je voulais dire. La voie est irréversible. Si quelqu'un prend des comprimés, même dans le cas d'un suicide, tout simplement, l'introduction est réversible. Vous faites vomir, tout simplement. Donc, même en cas d'erreur, on peut faire marche arrière avec la voie orale, ça n'a pas un avantage, que la voie IV, que les voies parentérales n'ont pas. Et la biodisponibilité, je vais dire que c'est pas, je vais enlever ce terme, c'est pas un avantage. Vous notez donc les avantages de cette voie, elle est facile, il n'y a pas de risque infectieux, et c'est une voie qui est réversible. Alors que les inconvénients, je cite, et j'explique, malheureusement, c'est comme ça dans la vie. La voie la plus utilisée a plusieurs inconvénients. D'accord ? Plus de dépôt, plus de dépôt. On ne comprend pas pourquoi. Oui. Là, c'est la voie la plus usuelle. On présente les éléments qui sont calculés sur le temps de risque minime. C'est une voie d'entretien. D'accord ? Ce n'est pas une voie d'urgence. La voie orale n'est pas une voie d'urgence. C'est une voie d'entretien. Ce n'est pas une voie palliative. C'est une voie par excellence et la voie d'entretien où on peut donner dans les pathologies chroniques à vie, merci, soit dans le diabète type 2, soit dans le diabète d'hypertension, soit chez nos goutteux, qui se prend, parfois, oral, dans cette contamination, continente, donc, ça peut violente. C'est une voie qui est inutilisable pour les médicaments que vous notez, et j'explique en même temps. Donc c'est une voie d'entretien. C'est une voie inutilisable qu'on ne peut pas utiliser pour les médicaments non résorbables. Vous êtes d'accord? C'est une voie inutilisable pour les médicaments non résorbables. Si ce médicament ne peut pas passer à travers la muqueuse gastro-intestinale, on n'a pas le droit de donner ces médicaments par voie orale. Est-ce que vous êtes d'accord? Tous. Hein? Merci beaucoup. Ça dépend de quoi? Ça, on va encore les faire. Ça dépend de l'objectif. L'objectif est un de l'objectif thérapeutique. Quel est l'objectif thérapeutique? Ce que j'ai dit est faux. Je n'ai pas terminé ma phrase. La phrase est incomplète. Et de ce fait, elle peut être vraie et elle peut être fausse. Le jour de l'examen, vous aurez mieux que d'autres. Maintenant, la phrase est incomplète. Oui. Un effet psychique. Pardon? C'est-à-dire que le traitement est local. Donc j'ai froid. Et la question devient fausse. Tout dépend de l'objectif thérapeutique. Est-ce que vous cherchez un objectif systémique ou un objectif local? Si vous prenez des pansements, si vous prenez du malox, ce sont des médicaments non résorbables. L'action au niveau. Là, il y a certains articles qui traitent des infections intestinales, des sulfamides, insécurées. Son action est au niveau de la lumière intestinale. Le médicament est non résorbable. L'action est locale, très pathologique infectieuse, au niveau de la lumière intestinale. Donc, c'est un médicament non résorbable. Ne l'utilise pas moins. Pourquoi? Parce que l'objectif thérapeutique est localisé. Maintenant, si vous recherchez un objectif systémique, c'est-à-dire que votre médicament doit passer à travers la muqueuse, pris en charge par le sang pour être distribué. Si le médicament est non résorbable, la voix aura devient donc cette voie est inutilisable pour le médicament non résorbable, d'accord ? Le système vient après. Pour les médicaments, action systémique. Donc tout dépend de l'objectif thérapeutique. Vous notez que la biodisponibilité est relative. La biodisponibilité est relative du fait de quoi ? Du fait de quoi d'abord ? Il y a des pertes. Des pertes sont dues à quoi ? Non. Très bien. L'acidité gastrique. Dégradation. Deuxième. Les enzymes parce qu'il y a le premier passage la lyse hépatique. Il y a une dégradation. Tous les médicaments pris passent par le foie. Donc il y a une dégradation. Donc la biodisponibilité est relative du fait de la dégradation par sucre, l'acidité, vous voulez, par le sucre gastrique et par les enzymes hépatiques. Donc vous n'avez pas un million de sperme que vous prenez, parce qu'il y a une partie de l'amidon qui sera précipité par l'acidité, et une partie qui aussi va passer par le foie. Bah, quand vous prenez la PNI, de sperme, et que vous l'injectez par voie IV, vous avez donné un million, la biodisponibilité est absolue. Donc la biodisponibilité est relative, de par, donc j'ai dit, dégradation par le sucre gastrique et par les enzymes hépatiques. C'est une voie qui est astreignante, contrairement aux autres voies. C'est quoi astreint ? Des prises. Mais pourquoi les astreignants qui nous habitent déjà à l'arrière ou au milieu ? Pourquoi les faciles ? Mais au milieu. Ah, là, c'est très bien. Avant, après, pendant, peu. Et là, généralement, c'est facile, si tu vois un astreignant, ne pas la cause de l'origine que vous avez. J'ai dit que vous faites une cause de l'origine complète. C'est une voie qui est proscrite, un autre inconvénient, c'est une voie qui est proscrite pour tout médicament irritant de tube digestif. C'est une voie qui est proscrite. D'accord ? C'est un mot, c'est presque, qui est proscrit pour tout médicament irritant, ou là pour des malades présentant une pathologie, surtout des ulcères. D'accord ? Proscrit pour tout médicament irritant, le tube digestif. Un autre inconvénient, contrairement aux autres voies, c'est que la voie orale, les autres voies, généralement, on fait attention quoi ? Aux associations. Souvent, je vous ai toujours dit, la mono, alors que la voie orale, il y a la polythérapie. Qui dit polythérapie, dit interaction. C'est une voie donc, qui présente un risque d'interaction, voie qui présente un risque d'interaction du fait de la polythérapie. Et en dernier, c'est le rôle de l'excipient. L'excipient interfère par voie orale. Il n'interfère pas beaucoup par les autres voies ou par voie orale. Il intervient. Pourquoi il interfère ? Il n'est pas actif. On se met d'accord. Pourquoi je dis rôle de l'excipient ? Il n'interfère pas dans la réponse. C'est-à-dire qu'il n'interfère pas dans la phase dynamique. par exemple. Il interfère dans la phase cinétique, merci. Dans l'absorption, la distribution, l'élimination. C'est une molécule qui va également subir des échanges, des transporteurs, qui va se fixer sur l'albumine, quand elle est distribuée, qui va être éliminée par le rat ou la part de foie, qui va être dégradée par des enzymes. Donc, il va y avoir des interactions et une compétition entre elles. Sauf que la différence entre le principe, c'est qu'elle, elle peut se fixer sur des récepteurs et provoquer une réponse, alors que les histones n'ont pas d'affinité progressive. Ça, mais il y a donc le rôle des récipients où il y a également une interférence au stade de la phase cinétique. Je dirais un mot et je termine concernant la voie sublinguale. Non, non, c'est une voie d'urgence sans biodisponibilité absolue. La thérapie. Généralement, on disait que quand on parlait d'urgence, la biodisponibilité était absolue. C'est une voie d'urgence sans biodisponibilité absolue. Donc vous allez me décortiquer ces deux mots et me dire le pourquoi. Vous notez tout simplement la voie sublinguale ou cadaïguale. C'est une voie d'urgence sans SAMS, biodisponibilité absolue. Je peux commencer par la deuxième partie. Pourquoi la biodisponibilité n'est pas absolue? Est-ce qu'elle est relative? Elle est absolue ou pas? Non. Pourquoi elle n'est pas? Il y a des pertes qui sont dues à quoi? Très bien. Elle va se transformer en voie orale. La voie orale a une disponibilité. Pourquoi vous vous mettez? Non, ça vient grâce à quoi? À une résorption parfaite. Quelle voie? À travers. La résorption va se faire par quel système? Thank you. la vertu des moines, la résorption est rapide, l'effet est rapide, sauf qu'il ne dure pas longtemps parce qu'il y a des pertes dues à quoi ? À la salutation, on avale la salive et le principe actif va passer par quoi ? Pour un principe passé, non ? L'estomac, comme si vous avez pris des médicaments par voie orale, et c'est pour ça que la muscle est limitée et relaxée. Donc samedi, on aura cours dimanche. Dimanche, on aura cours et le jeudi, on aura cours. Mais maintenant, c'est...